C'était juste pour dire que j'ai pas lancé mon téléphone en fait. Ouais. Donc rappelle-moi ce numéro s'il te plaît. Hey yo, je me présente, je suis le poing. Le mec au texte, arabable, incopiable, implacable, impeccable, le flow, psychopathe. Tu sais pas quand je suis capable, car au cap que je pète sur l'insu du voile. Mégalomane, je fais ce qui me rappe, ce qui me passe par la tête. Ou tu kiffes ou tu te casses, si tu captes le délire, tu vas kiffer ta race. Tu peux la niquer aussi si t'as pigé la phase. Moi je lâche des tas de phases dans un mic pour trouver la vibe. Et je jazz des tas de wesh pour trouver la vibe. Aussi, et je freestyle aussi, et je balance des gros missiles. Et je peux pas m'empêcher de me dire que certains dans le mouvement sont trop débiles. Mais toi, franchement, je trouve que.